Chapitre 13. Excursion dans les environs de Malo Derbet Stavka. Les villages russes dans les steppes. Le bourg Tundatova. Après avoir passé quelques jours parmi les Kalmouks, ce fut avec plaisir que je retrouvai un village russe aux maisons coquettes et propres, respirant l'aisance. Tout ce qui est essentiel au confort de ses habitants est une inutilité pour les nomades qui en ignorent l'usage et la valeur. Leur existence est souvent ravagée par les maladies. Le manque de secours passe inaperçu dans ces déserts et leur race s'y renouvelle sans s'améliorer moralement sous la dépendance de l'employé subalterne russe qui les exploite. Au village Tundatova, à trois verstes de la Stavka, je fus transporté dans un milieu tout différent. Cette stanitsa, station russe, localité charmante, baignée par la rivière Sarpa, qui serpente capricieusement entre les jardins boisés et les champs cultivés, m'offrit un aspect rendu plus agréable par le contraste des pays arides que je venais de quitter. Cette bourgade est dominée par les hauteurs d'Ergeny, toujours verdoyantes. Les Kalmouks lui donnent le nom de Tundatova. Les Russes l'appellent Almata. Note. Dans le steppe voisin de ce bourg, on trouva en 1854 un météorolithe formant une masse plate et arrondie pesant 32 livres, 800 zolotniks, grammes. Fin de note. À l'entrée du bourg, un poteau qui porte le nom du propriétaire de Loulous voisin indique que le gouvernement a maintenu son nom. Plus riche que la plupart des villages de ces contrées, celui-ci possède deux longues rues aboutissant à la jolie église. Les dômes verts de la Sainte Demeure et ses blanches murailles embellissent le site qui, ce jour-là, était éclairé par un ciel radieux et pur, rappelant l'Orient. La poste, le palais de justice, les magasins d'approvisionnement pour les employés du quartier général des steppes en sont les principaux édifices. Quelques-unes des maisons sont en terre glaise, teintes çà et là de couleurs sombres, d'autres en bois, ornées selon le caprice du décorateur. Il en est de fort jolies. Les unes possèdent une grande cour où, de loin, par la porte cochère entr'ouverte, on aperçoit une population de volailles, chiens et cochons vivant en bonne intelligence. Les autres ont des jardins potagers, des vergers, des vignes, et lorsque la récolte est abondante, quelques propriétaires privilégiés montrent avec orgueil leurs barriques de vin du cru. C'est beaucoup, en effet, si l'on considère le voisinage immédiat du désert. La quantité de moulins à vent qui font ceinture au village prouve aussi que le pain ne manque pas dans ce coin de terre enrichi par le travail de l'homme, tandis que tout à côté, dans les steppes, cette nourriture même est inconnue. Les villageois de Tundatova vont faire leur vente jusqu'au bord du Volga. Beaucoup de beugeries des alentours bornent les jardins dont les plantations réussissent à merveille grâce à la quantité de l'eau. La vue de ces terres cultivées, où tout ce qu'on sème vient abondamment, fait regretter les richesses perdues ailleurs, faute de travailleurs. Le bourg est bâti sur une falaise, entre les bras du cours d'eau, dont l'un forme un lac, abreuvoir des chevaux et des chameaux de passage. À mon arrivée, le hasard me ménagea une scène fort pittoresque. J'y vis s'arrêter plusieurs familles de Kalmouks qui y dressèrent leurs tentes. Les habitants de Tundatova allèrent à leur rencontre, non dans un but de curiosité, mais bien dans l'espoir de vendre leurs produits le plus cher possible. C'est une halte pour les familles Kalmouks qui vont dans la région où, selon la saison, elles auront le meilleur pâturage. On peut juger de la richesse de ces caravanes par le nombre des chevaux et des animaux. En tête, chevauche ordinairement la mère de famille, à califourchon, tandis que le père conduit le bétail. Derrière la première, suivent sur des chameaux les femmes et les enfants, juchés par-dessus les paquets contenant tous les trésors du ménage, vêtements, tapis et autres objets plus ou moins importants. Des chariots attelés de bœufs portent le gros des bagages, surtout lorsque plusieurs familles se déplacent. J'admirais la vitesse avec laquelle on déménage et emménage une kibitka. Une heure suffit. La base en est formée par un treillage en bois de la hauteur d'environ 1,5 m. Ce grillage en quatre parties s'ouvre et se ferme comme les losanges des boîtes de jouets sur lesquelles on fixe des bonshommes ou des animaux. C'est le moyen ingénieux de faire tenir un grand volume dans un petit espace. Sur les barreaux fichés en terre repose le haut de la tente formée de lattes bombées allant en se rétrécissant et retenues ensemble par un cercle auquel tiennent quatre autres lattes croisées en voûte. Le tout est recouvert par-dessus d'un feutre épais blanc que soulève une perche extérieure pour laisser pénétrer le jour et l'air dans la tente. Une porte à deux battants de la hauteur du grillage, garnie de feutres en dehors et en dedans, sert d'entrée. Toutes les parties en bois sont solidement nouées ensemble avec des sangles de laine tressées par les femmes. On voit que tout cela n'exige que peu de temps pour être monté et démonté. Il a été question au Caucase, après la dernière guerre, qui fit émigrer en Turquie une partie des habitants de l'Abkhazie, de repeupler cette province avec des colons chinois. Si le projet se réalisait, il serait désirable aussi que ces coreligionnaires des Kalmouks fussent établis dans les parties des steppes où le terrain est cultivable. Les Chinois, sobres et laborieux, émigrent déjà en foule vers l'Amérique, qui déborde également de colons et d'indigènes. Pourquoi n'appellerait-on pas, dans les pays moins peuplés, ceux qui pourraient y apporter d'autres industries et de nouvelles richesses? L'expérience a démontré que le sol des steppes n'est pas partout ingrat. Ne serait-il pas temps de profiter de l'expérience, cette sagesse, dit-on, de l'avenir? Fin du chapitre 13.